cette nuit, mes amis, j'ai fait un rêve dans lequel les choses négatives faisaient une trêve. Je m'imaginais me lever une matinée d'avril. C'est drôle, il était tard, car mon réveil n'avait plus de pile. Je me préparais lentement un petit déjeuner. Puis rapidement, jetais un coup d'œil dans le programme télé. Il n'y avait aucune émission de télé-réalité. Pas la moindre trace de la Starac et de la ferme célébrité. Peu après, j'allumais la radio, et qu'importe le canal, il n'y avait que de la bonne musique, aucun titre commercial. Au bout d'un long quart d'heure, je me suis décidé à sortir. J'étais curieux de savoir ce que c'était, ce délire. Je marchais dans la rue, le sourire aux lèvres. Je pensais à tellement de choses à la fois que j'en avais de la fièvre. Je levais la tête et observais un superbe soleil. Normal, car il ne pleut jamais au pays des merveilles. I have a dream. One day. Brotherhood. Je n'avais pas encore eu le temps d'aller au bout de la rue, que déjà de tous ces événements, je n'en pouvais plus. Mon imagination est passée bien au-delà de ses limites. J'avais carrément oublié ce que voulait dire le mot antisémite. On ne jugeait plus les autres par leur apparence. On cherchait à connaître un minimum de leur existence. Bien sûr que les gens pouvaient avoir plein de défauts. Seulement cela n'influençait pas leurs rapports amicaux. Le monde n'était pas corrompu par l'argent et le business. Il était tel que tout le monde l'a imaginé durant sa jeunesse. Ça peut paraître fou, mais tout le monde était heureux. On se donnait la main sous un ciel bleu. Les gens ne pensaient pas seulement à leur propre personne. On était tous solidaires avec les autres au maximum. Toutes les cultures étaient mélangées. On ne parlait pas de la couleur, mais de la mentalité. I have a dream. One day. Il me faudrait sans doute des heures pour que je puisse vous raconter ce que j'ai vu en quelques minutes dans ce qu'on me fait. J'ai rencontré un paquet de personnes fantastiques, tout autant généreuses, mais pourtant si uniques. Je criais dans les champs, j'étais heureux de vivre. Je criais de plus en plus fort, je me sentais libre. J'avais le sentiment que toutes mes utopies se rejoignaient petit à petit en une seule nuit. Ce rêve n'en finissait plus, il était magnifique. Même les choses insignifiantes avaient l'air mythiques. Lorsque finalement, le soleil s'est couché devant moi, un nouveau spectacle a enfin commencé. Je voyais des lumières à l'horizon briller de mille feux. C'était beaucoup trop beau pour que je me permette de fermer les yeux. Peut-être aurais-je préféré qu'on ne me réveille jamais, afin de continuer ce songe extraordinaire en paix. I have a dream. One day. I have a dream. Brotherhood. Justice.